Juston! Tu veux rivaliser avec des faces de dingue. Tu parles de flingues de gang et de faire des gangbangs. Tu dis que t'as niqué la France mais elle t'a enculé la première. Je suis déjà à fond que t'as pas emmanché la première. Ça fait 8 ans que je rappe mais je kiffe ça depuis la primaire. Ça fait 20 ans que tu rappes mais t'es encore qu'au préliminaire. Les MC ont les nerfs et chargent leur gain pour m'éliminer. Milo ça va faire mal, j'arrive, je suis trop déterminé. Blah. Mais dis-moi tu vas faire quoi avec ta team de bras CK. Mais dis-moi tu vas faire quoi, un homicide ou un braquage. Tu vas faire quoi, dis-moi tu vas faire quoi. Prendre perpète comme Fofana ou sécher comme nous faire fan. Et tu rap pour ta team, moi je rap pour mes semblables, ceux qui se baladent en team et pensent tiens tu vas faire quoi. Dis-moi, prendre un gun tout niqué parce qu'on t'a dit qu'il fallait broliquer. Dis-moi, tu vas faire quoi, prendre une vie pour quelques billets, faire le show pour qu'on te voit briller. Mais qu'est-ce tu vas faire quand ils seront douces pour déshabiller. Mec, y'a quoi, t'as beau fuck la police mais dans la merde y'a que toi. Sache qu'à vouloir être king tu finiras par être la proie. Alors tu vas faire quoi. Ça parle de hache, de violence et de cash, nigga. Je m'en bats les glaives, je viens défoncer le mic. Yeah, décharger ma haine, prendre ma place dans le rap game. Alors qu'est-ce qu'il y a ma gueule. Dis-moi tu vas faire quoi, hein. Refaire le monde, poser dans le tchéga. Trimer comme un smica, route saoulée comme un toga. Il est trop tard, les nôtres ont pris le seum. Et tu sais que ça va saigner. Je viens pas les mains vides, j'ai des lyrics bien acérés. Je crois que la prod est buena sera. Mon rap à moi, c'est comme une meuf bonne à serrer. Tu lui goûtes chaque jour et tu ne peux plus t'en passer. Crâne rasé, sourcil froncé, l'envie de tout défoncer. On a décidé de foncer, je rappe jusqu'à la mort. Et toi tu vas faire quoi. Rester au tchécar en espérant y être roi. Tous les moyens sont bons pour contourner leur loi. Mais toi, tu vas faire quoi. Tu vas faire quoi. Dis-moi, prendre un gun tout niqué parce qu'on t'a dit qu'il fallait broliquer. Dis-moi, tu vas faire quoi. Prendre une fille pour quelques billets, faire le show pour qu'on te voit briller. Mais qu'est-ce tu vas faire quand ils seront douces pour déshabiller. Mec, y'a quoi, t'as beau fuck la police mais dans la merde y'a que toi. Sache qu'à vouloir être king tu finiras par être la proie. Alors, tu vas faire quoi.